terrain. Auquel cas, c'est autre chose. Mais je dis, ce n'est pas parce que j'utilise un terrain que je perds sa valeur. En revanche, si j'utilise un fossé, il se déprécie. Et même si vous ne l'utilisez pas. Donc, évidemment, j'ai pris l'exemple d'un PC. Si vous achetez un PC qui n'a pas été utilisé pendant 10 ans, je ne suis pas certain que vous puissiez le reprendre à sa valeur d'achat dans votre bilan, parce que 10 ans après, ce PC n'a plus de valeur. Donc, en fait, attention, quand on parle d'amortissement, on dit la dépréciation avec Zahar, mais pas aussi avec le temps, ce qui porte sur l'obsolescence. Donc certains biens se démontrent, perdent leur valeur, on parle de l'obsolescence. Donc, on va commencer par les immobilisations corporelles, avec un certain nombre d'exemples. C'est les plus évidents. On va aussi parler des immobilisations incorporelles, parce que si vous avez un brevet, une licence, du développement, puisque je rappelle que la recherche n'est plus activée, il y a des éléments d'immobilisation incorporelle immatérielle, il faut aussi les amortir, et bien entendu les frais d'établissement, il faut aussi les amortir. Donc je rappelle que les frais d'établissement, c'est les frais de constitution, c'est les frais de restructuration. Et ces frais n'ont rien à faire à l'actif, mais on les met pour pouvoir les étaler sur plusieurs années. Et donc je vais juste ici expliquer un petit mécanisme qui va nous clarifier un certain nombre de points vis-à-vis de précisément ces frais d'établissement. Alors, je vais juste rappeler un mécanisme très important, puisque je suis en train de parler de frais d'établissement. Quel est ce problème? Imaginez le compte de résultat de l'exercice 2016 et imaginez un certain nombre de charges ici. À côté de cela, je vais mettre un bilan au 31/12/2016. Je vais juste prendre deux exemples pour expliquer ce concept d'accumulation des charges, parce qu'il est important sur le plan comptable et sur le plan fiscal. Imaginons que votre entreprise ait commandé une campagne de publicité en 2016, et cette publicité mettant en compte 50 000 euros. Donc vous avez commandé cette campagne de publicité en 2016, vous l'avez entièrement payée. Normalement, c'est des honoraires. Donc vous avez dû recevoir des factures de type 61 services et développeurs avant que vous les avez payés. Imaginons même que vous les ayez payés en 5 tranches. À la fin de l'année, c'est difficile vis-à-vis de la comptabilité, on va voir ce qu'il en est sur le plan de la fiscalité. Mais sur le plan de la comptabilité, c'est délicat, même si vous avez payé cette publicité pour 50 000, de la laisser dans le compte de résultat. Pourquoi? Parce que, en vertu des principes de réalisation des profits et de correspondance des charges aux profits, faites supporter le coût de cette publicité au seul exercice 2016, alors qu'elle va bénéficier à plusieurs millions. Et c'est la raison pour laquelle, comptablement déjà, on vous demande d'accumuler et on va les amortir sur plusieurs exercices. Je prends un deuxième exemple, beaucoup plus évident pour vous. Imaginons qu'une société comme Caterpillar, finalement, tout le monde a été payé, vous voyez, se payer. Je vous ai dit que les Américains étaient en train de là. La formule clé, c'est une formule fermée de dédommager ceux qui sont virés. Et les Américains, généralement, ne pas avoir de problème avec les lois sociales qui pèsent, ils vont au-delà. Et donc, au-delà, simplement, de cet élément de dédommagement, il y a, comme vous l'avez entendu, les terrains de Caterpillar à Cosby. Ils sont juste à côté d'un campus de l'USB, d'ailleurs, à cet endroit. Ils vont être récupérés par la région Wallonne pour agrandir l'aéroport, pour construire des parties d'université en même temps que les sociétés anciennes. Alors, imaginons que Caterpillar, en 2016, se livre à une activité de restructuration, ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc imaginons que dans le compte 61, services et biens divers, dans le compte 62, charges salariales, imaginons qu'il y ait par exemple 4 millions d'euros. En réalité, c'est beaucoup plus. On va examiner tout à l'heure. Imaginons qu'il est engagé et payé 4 millions d'euros pour la restructuration de ses actifs. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une société qui fait des bénéfices. Elle ne ferme pas parce qu'elle est en perte, elle ferme tout simplement parce qu'il y a, elle ferme le site de Gosling sont que des charges que vous avez activées simplement pour pouvoir en répartir le droit sur plusieurs équipes. Voilà. Allons-y pour l'amortissement des actifs immobilisés. Donc je vais reprendre assez vite les éléments que nous avions déjà commencé à aborder. Vous avez induit en erreur, on a continué à vous vendre, on a continué à vous faire confiance. ce matériel de 30 000 euros, plus TVA. Il y a belle durée que vous avez récupéré la TVA lorsque vous faites la clôture. Donc, on amortit le montant hors TVA. Vous ne pouvez pas récupérer la TVA et amortir le montant que j'ai compris. Sinon, c'est de la faute. Ça veut dire que vous avez récupéré la TVA auprès de l'administration de la TVA, et puis vous essayez de créer des charges déductibles du bénéfice amortissable avec des morceaux de la TVA. Ça, c'est interdit. Si vous récupérez la TVA, vous amortissez le montant hors TVA. Si par contre, par exemple, si vous avez vu et que vous ne récupérez que la moitié de la TVA, la partie non récupérée peut être amortie. Donc, vis-à-vis des postes sur lesquels vous ne récupérez pas la TVA, là, il faut les amortir très bien. On va voir ça au niveau des écritures comptables. Essayons d'abord de comprendre les tableaux d'amortissement, parce que lorsqu'une entreprise achète un bien, elle fait immédiatement un tableau d'amortissement pour toute la durée de vie du bien. Vous ne calculez pas vos amortissements chaque année. Ils sont calculés initialement dans un tableau d'amortissement. Voyons d'abord l'amortissement linéaire. Nous avons ici les 5 années. Première colonne. Deuxième colonne, nous avons l'annuité. 30 000 divisé par 5 ou 30 000 fois 20%. Je rappelle que le taux linéaire est de 100 divisé par 5. Si la durée est de 5 ans, le taux d'amortissement est de 20%. Donc 30 000 fois 20% ou 30 000 divisé par 5, ça fait chaque fois 6 000. C'est l'annuité constante. La troisième colonne reprend simplement les amortissements. Première année 10 000, deuxième année 12 000, 18 000, 25 000 et 30 000. Et la dernière année reprend la valeur résiduelle. On va voir comment un tel tableau facilite finalement les écritures comptables et la confection des comptes annuels. Voyons d'abord au niveau des comptes annuels. On verra les écritures ensuite, tout simplement parce que si vous comprenez l'impact sur le bilan et le compte de résultat, vous comprendrez très facilement comment passer les écritures comptables. Voyons un petit peu l'impact sur le bilan fin de la première année et sur le compte de résultat fin de la première année. On passera les écritures après. Alors, fin de la première année, vis-à-vis de ce matériel, eh bien, c'est cette colonne qui nous donne la valeur. Le matériel ne vaut plus que 24 000. Et dans le compte de résultat, on va avoir un compte de charge qui s'appelle dotation aux amortissements sur immobilisation corporelle de 6 000. Et c'est cette colonne qui nous donne l'information. Donc une fois que vous avez votre tableau, vous avez de quoi passer les écritures et confectionner les comptes annuels chaque année. 24 000, 6 000. s'agit du bilan numéro 2, je dis quand je vais être à numéro 2. Bien, qu'est-ce qu'on va avoir au bilan numéro 2 ? Qu'est-ce qu'on va avoir comme charge pour le compte de résultat numéro 2 ? Eh bien, les 6 000 qui sont ici. Donc, ça veut dire que le bien que nous avons acheté à 30 000, nous en répartissons les 3, la charge, sur 5 et 15 000. Parce qu'on estime que le bien va être utile en termes de chiffre d'affaires à 5 000. Si ça veut dire que non, on aurait réparti 10 ans, parce qu'on aurait estimé qu'il est utile à l'exercice. Si ça veut dire que non, on aurait apporté sur 20 ans. Parce que il faut vous laisser reconstituer vos activités. générer des bénéfices sur lesquels vous payez des impôts, pour générer des ventes sur lesquelles la TVA est due, et donc on vous permet de vous constituer aux actifs immobilisés. C'est normal. Donc une entreprise amortit son matériel, met de côté chaque année un peu d'argent pour pouvoir renouveler son matériel. Donc l'amortissement, c'est un outil de renouvellement, de reconstitution de la continuité. Le troisième sens de l'amortissement, c'est un moyen de reconstitution, de renouvellement des actifs immobilisés. Tout simplement parce que la charge d'amortissement n'est pas décaissable. Vous ne sortez pas cet argent, vous ne le payez à personne. Si vous n'aviez pas mis, regardez, pour que vous compreniez bien ce problème, imaginons que vous ayez un chiffre d'affaires de 20 ans. Quel aurait été votre bénéfice si vous n'aviez pas amorti, et quel est votre bénéfice si vous avez amorti? Nous avons le calcul, tout simplement. Si vous avez un chiffre d'affaires de 20 000 et que vous avez amorti, vous n'avez qu'un bénéfice comptable et fiscal de 2 000. Donc, sauf problème de dépenses non acquises, que j'ai expliqué la semaine dernière, c'est la raison pour laquelle je vous fais des parenthèses, c'est parce que ce concept vous permet de continuer à une éducation sur, vous direz, les services. Donc, si vous avez amorti, vous avez des charges de 18 000, déduites du chiffre d'affaires de 20 000. Donc, elles sont déductibles. Et vous n'avez qu'un bénéfice de 2 000. En supposant que ce bénéfice comptable soit le bénéfice fiscal, vous allez payer 34% de 2 000. Si vous n'aviez pas amorti, vous auriez un bénéfice de 8 000. Vous auriez payé 34% de 8 000. Voilà l'avantage de l'amortissement. C'est que ça vous permet de retenir au sein de la société les ressources pour renouveler les actifs qui se déprécient. On parle de créer une capacité d'autofinancement. Donc c'est une capacité de financement interne, une capacité d'autofinancement, qui n'est rien d'autre que le cash flow. Donc lorsque vous allez calculer le cash flow dans les cours de finance, en réalité, déjà l'année prochaine, dans le cours d'analyse financière que nous faisons avec la comptabilité des sociétés, il y a le concept du cash flow qui est le bénéfice net, ou la perte net, plus les amortissements. Donc si je calcule le cash flow, c'est compliqué, qui amortit, dans le cas où elle amortit, j'aurai un cash flow, donc essayons de reprendre. Donc je vais laisser l'amortissement. Donc vous avez amorti votre matériel à concurrence de 6 000. Vous avez un bénéfice de 2 000. Normalement, sur le bénéfice, vous allez payer un impôt de 34%. Imaginons que vous ayez payé un impôt, mettons de 600. Il vous reste un bénéfice net de 1400. Eh bien, le cash flow, c'est 1400 plus 6 000. un annexe. On dit chez annexe, on peut prévenir l'annexe au compteur. Alors, est-ce qu'il faut solder les comptes? Non. Septième année, prenons l'exemple, ou même sixième année simplement. Donc, bilan numéro 6, prendre le résultat numéro 6, ben, mon matériel il vaut 0. Et mes dotations d'amortissement, elles sont de 0. Et l'annexe va vous donner l'information. Et le bien garde les comptes qui sont couverts. Ça veut dire en fait que dans votre comptabilité, vous allez avoir deux comptes. Vous allez avoir un compte, par exemple, 2400 matériels. 30 000 et 2409 amortissements sur matériel. 30 000. Vous ne solderez les comptes de ce matériel que quand il quitte physiquement votre compte. Donc, si le matériel est amorti, que vous continuez à utiliser dans votre entreprise, les comptes les soulèvent. Attention à ces écritures importantes d'être dans la deuxième année. La première à 10%, la première, la deuxième 20%, et l'examen, au-delà de ce calcul arithmétique, la deuxième interrogation est assez proche de la matière technique. Donc, en préparant la deuxième interrogation, vous préparez déjà. L'examen et la matière, c'est celle-ci. Le mec qui ne va pas me demander, je ne vais pas. Donc, attention, si vous achetez votre matériel, par exemple, en 2017, il ne faut pas considérer que vous allez l'amortir. 2022, parce que vous avez 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Parce que la première année fait déjà l'objet d'amortissement. Continuons sur le deuxième type d'amortissement, sachant que je n'ai pas de outil. Notamment, est-ce que vous avez le droit d'amortir fiscalement 20% d'un matériel si vous l'avez acheté, par exemple, le 30 septembre 2016 ? Parce que ici, si je reprends mon point de résultat fin de la première année, une dotation aux amortissements plus unique. J'ai ici un matériel pour 24 000 pour la première année. Bon, je suis passé là-dessus sur le plan fiscal, mais le plan fiscal, sur le plan fiscal, mais le fiscaliste ne va pas passer aussi vite que je l'ai fait concrètement. Donc, sur le plan fiscal, les 6 000. Ça suppose que vous ayez acheté votre matériel au tout début de l'année, que vous l'avez trouvé dans le livre. Si par exemple il est trouvé, vous avez acheté votre matériel le 20 septembre, le compte valeur va vous dire que vous mettez signé, Prenez la troisième année. 4320, évidemment. Eh bien, au lieu de mettre 4320, on vous permet